من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فهذا مجلسنا الثالث في دراسة هذه الرسالة القيمة للشيخ عبد المحسن العباد بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا ويحكم فيق يا شباب Et voici notre troisième assise autour de cette rissale du Cheikh Abd Mohsin Al-Abbad, Hafidhahullah Ta'ala, qui est le Muhadzid de Médine. Le titre de la rissale, avec quelle raison et dans quelle religion le fait de poser des bombes et de détruire, c'est un combat sur le sentier de Allah Azza wa Jal. Attention jeunes, réveillez-vous. Waqafna inda ta'liq Cheikh Suhaimi ala هذا المقطع فقال هذا حديث في منتهى الخطورة رجل قرأ القرآن حتى إذا ظهر عليه ماذا؟ ظهرت عليه بهجته يقول الشيخ ادعوا الله الثبات الجأوا إلى الله أن يثبتكم فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نصوم زغيته autour de ce commentaire de Cheikh Suhaimi qui dit pour ce passage ce hadith est un hadith géant est un hadith très dangereux qui doit attirer notre attention un homme a lu le Coran jusqu'à ce que le Coran jusqu'à ce qu'il mette en application les enseignements du Coran etc. et après change complètement il dit demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous garde sur la voie qu'il fasse que vous soyez affermis dans la voie et sur Sirat al-Mustaqim car les cœurs sont entre les doigts d'Allah Azza wa Jal, du Clément, il les tourne comme il veut. ولذلكم يقول الشيخ سحيمي حفظه الله لا يجوز لمسلم أن يغتر بعمله مهما بلغ ذلك العمل هذا حديث خطير جدا حتى إذا رؤيت عليه ماذا بهجته مثل عبد الرحمن بن ملجم كان من أفضل القراء حتى إن عمر رضي الله عنه أرسله إلى مصر ليقرأ الناس هناك ثم كان ما كان من قتل علي واستحلال دمه C'est pour ça il dit Cheikh Suhaimi حفظه الله تعالى il n'est pas permis aux musulmans de se faire avoir par ses actes d'être imbu de ses actes moi j'ai fait etc. malgré la grandeur des actes qu'il aura accomplis il faut qu'il se fasse pas avoir par cette voie-là, dire Shaitan. Parce que ça, c'est un. Cheikh, il nous dit, il nous attire notre attention sur ce hadith qui est passé avec nous tout à l'heure. Si, il est dangereux. Ce hadith il attire notre attention sur une situation dangereuse. Le hadith, il dit, cet homme qui a lu le Coran, jusqu'à ce que le Coran soit quelque chose, les mises en application, les enseignements du Coran soient une réalité dans sa vie, d'un coup, il se retourne. La situation se retourne. Et il nous donne un exemple ici. Abdullah ibn Muljam. Vous vous souvenez bien le nom. Abdullah ibn Muljam avec le J, il faut qu'il y ait un A dessus. Celui-là était parmi les grands Qurra. C'est bien le Qur'an et tout ça. Et Omar l'a envoyé en Égypte pour qu'il enseigne aux gens. Qur'an là-bas. Et ce Abdullah, Abdurrahman ibn Muljam, quelques années plus tard, il sera l'assassin de Ali radiallahu ta'ala. Il sera l'assassin de Ali radiallahu ta'ala. C'est pour ça que le hadith il dit, Hatta ru'yat alayhi bahjatu, thumma ba'da dhalika mada, atahu shaytan, wa fahima al-Qur'an ala ghayri ma'na, wa harrafahu wifqa hawa, wa hammalahu ma la yahtamil, وضرب آياته بعضها ببعض وتنكر لمفاهيم السلف رضوان الله عليه بفهمه الخاص، فعمد إلى جاره فقتله واستحل دمه. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أيهما أولى بالشرك والكفر، قال الذي حمل على جاره السيف فقتله. بمجرد الحمل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حمل علينا السيف فليس منا، أي بمجرد الحمل. وهنا لأهل العلم تفسيران لكلمة ليس منا هنا، أي يكفر الذي يستحل حمل السلاح على أخيه المسلم، والذي لا يستحل هذا لا يكفر. أي المفهوم الثاني أنه ليس من هدينا، الذي لم يستحل قتل المسلم هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلماء في هذه الكلمة ليس منا تفسيرين، لا بد أن ننتبه لها. Et donc, le cheikh de nous dire, jusqu'à ce que le Coran apparaît dans la vie de cet homme, et tout d'un coup, Shaitan, il vient et s'immisce dans l'esprit de cette personne. Il comprend le Coran comme il veut lui. Il ne le comprend pas comme l'ont compris les plus ailleurs d'Allah alayh. Il le comprend selon ses passions à lui, selon ses désirs. Il fait porter les versets du Coran sur un sens qui n'est pas le leur, sur un sens qui est contraire à la compréhension du puiseur d'Allah alayhim. Et il devient indépendant dans sa compréhension, et il a une compréhension particulière au texte qui est différente de la compréhension du puiseur d'Allah alayhim. Et à ce moment-là, il se tourne vers son voisin et il le tue. Et il rend licite son sang. Et quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam on lui a posé la question sur celui qui a tué, qui est le mécréant, parce que Hadak avant de le tuer, il a dit, tu es mécréant, tu es associateur, donc c'est pour ça qu'il l'a tué, dans le hadith. Et quand on a posé la question à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui est le mécréant parmi les deux, il a dit, celui qui a tué. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un autre hadith rapporté par Cheikh Saleh Sahimi ici dans le commentaire, dit que celui qui porte l'arme sur nous fait pas partie de nous. Cette phrase fait pas partie de nous. Les hommes de science ont deux significations là-dessus. Ils lui donnent deux définitions. Il n'est pas partie de nous, c'est-à-dire qu'il est mécréant pour celui qui croit que c'est licite de tuer le musulman. Et ne fait pas partie de notre, la deuxième définition ne fait pas partie de notre guidée, de notre voie, celui qui ne croit pas que c'est licite de tuer un musulman. وهؤلاء قضوا في الجزائر على 100,000 زورا وبهتانا وظلما وعدوانا وأهلكوا الحرث والنسل وجعلوا بعض الناس يرتد بعد أن كان مستقيما بعد أن أقبل على الدين وكان الإقبال على الدين على أشده في الجزائر. الشيخ دو نودير سولا سي خوارج دو موند مودرن اي سي خوارج كونتمبورين اون تيي بلو دو 100,000 بيرسون اون الجير بار انجوستيس. Par injustice, ils ont tué plus de 100,000 personnes. Ils ont détruit la culture et la descendance. Ils ont fait que certaines personnes ont quitté la religion de l'islam, ont apostasie. Alors qu'ils étaient dans l'islam, en voyant ces actes et ces assassinats, ils ont retourné leur veste. Et à une certaine époque, il y avait des gens revenaient vers, beaucoup en Algérie revenaient vers la religion. Et à cause de ces khawarij, il y a beaucoup qui se sont détournés de la religion de l'islam. فلما تسلط هؤلاء الخوارج يقول الشيخ على المسلمين يذبحونهم كالأغنام في الوديان والجبال والشوارع انتكس بعض الناس فصارت فرصة لمن أراد أن يصطاد في الماء العكر من الملاحدة والعلمانيين. يكون ces خوارج on continue à massacrer les femmes, les enfants, les vieillards en Algérie, etc. Ils les égorgeaient comme on égorge les moutons dans les fleuves, dans les montagnes, dans les villages, dans les rues, etc. Beaucoup de gens ont donné le dos à l'islam. Et c'est devenu une occasion pour ceux qui pêchent dans les eaux troubles de s'immiscer dans la situation. Ceux qui pêchent dans les eaux troubles, Cheikh nous dit, certains, Il dit ici les laïcs, les athées, etc. C'est devenu une occasion pour eux pour s'immiscer dans la situation. Et pour rendre encore l'eau encore plus trouble. فكذلك الذين يدافعون عن هؤلاء أو يبررون لهم أفعالهم أو يزعمون أنهم على حق والله يقول الشيخ والله إنهم مشتركون في الجريمة شركاء تماما وإنهم مجرمون الذي يؤيدهم ويبرر لهم هو شريك لهم في هذه الجريمة في هذه الجريمة النكراء والشيخ يتكلم عن جريمة خاصة يقول في هذه الجريمة النكراء التي فعلت في شهر رمضان الذي أنزل الله فيه القرآن إيه شيخ دونودير سيخ سحيمي حفظه الله تعالى ceux qui défendent cela et qui trouvent des excuses à leurs actes à ceux qui mettent des bombes hein, et ceux qui détruisent et qui trouvent des excuses à leurs actes et qui prétendent que ceux-là sont sur la vérité. Cheikh il dit, par Allah, ceux-là sont associés avec eux dans le crime. Par Allah, il dit, Cheikh, ceux-là sont associés avec eux dans le crime. Et que ce sont des criminels, il dit, Cheikh. Celui qui leur trouve des excuses, les aide, hein, il est associé avec eux dans cette horrible crime. Et ici, Cheikh, il nous décrit un crime particulier ici. C'est ce qui s'est passé pendant le mois de Ramadan, l'année dernière ou l'année d'avant, au moment où Cheikh, pendant le Ramadan, où Cheikh l'expliquait, cette risala, s'est passé à Riyad. La destruction d'un complexe d'habitation dans lequel il y a beaucoup de monde qui s'est retrouvé sous les décombres. Et ceux-là, ils ont fait cet acte-là, cet horrible acte pendant le mois de Ramadan, le mois durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran. Le Cheikh يقول لنا هنا وقد ذكر أهل العلم أن الأزمنة المباركة التي تضاعف فيها الحسنات في المقابل فإنها تضاعف فيها السيئات. فعلينا أن نتنبأ لخطورة هؤلاء وأن لا تأخذنا العاطفة اللهم إلا من جاءنا تائبا مبينا منيبا ولم يقتل ولم يسفك دما حراما فباب التوبة مفتوح وربنا يقول إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. Et Cheikh d'attirer notre attention que les hommes de science disent que les époques sont bénies au mois de Ramadan, etc. Et certaines époques sont bien particulières, qui ont des vertus bien particulières comme le mois de Ramadan. Il dit pendant ces époques-là, pendant ces périodes-là, les actes sont doublés. Les récompenses sont doubles. Hein? Et il dit aussi, pendant cette période-là, aussi, la récompense qui découle de l'âme et vos actes est doublée aussi. Il dit, il faut que nous fassions attention à cette situation dangereuse. Et il ne faut pas qu'il y ait un sentiment pour ces criminels. Il ne faut pas avoir de sentiment pour eux. Sauf ceux qui reviennent et qui se repentent à Allah Azza wa Jal, et ceux qui n'ont pas tué, qui n'ont pas assassiné qui que ce soit, qui n'ont pas assassiné quelqu'un, ceux-là, s'ils se repentent, la porte du repentir est ouverte. La porte du repentir auprès d'Allah Azza wa Jal, il est ouverte. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la traduction approximative du sens, sauf ceux qui se repentent avant que vous aviez le dessus sur eux. Hein? Et sachez, Allah subhanahu wa ta'ala, il est clément, il est pardonneur. فعودة إلى رسالة الشيخ حفظه الله تعالى الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى يقول عنوان هذا العنوان في هذه الرسالة بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا. Maintenant nous passons au paragraphe qui porte le titre. Donc avec quelle raison et dans quelle religion le fait de poser des bombes et de détruire, c'est un combat sur le sentier d'Allah. فيقول الشيخ حفظه الله بعد هذا التمهيد بذكر أن الشيطان يدخل إلى أهل العبادة لإفساد دينهم من باب الإفراط والغلو في الدين كما حصل من الخوارج والعصابة التي شغفت برأيهم وأن طريق السلامة من الفتن الرجوع إلى أهل العلم كما حصل رجوع 2000 من الخوارج بعد مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما وعدول العصابة عما همت به من الباطل برجوعها إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. Cheikh Abdel Mohsin Labbad, dans ce passage, nous dit, après cette introduction, dans laquelle il a cité les entrées d'Ir Shaitan, comment Shaitan s'immisce dans l'esprit des gens de l'adoration, pour annuler leur religion. Il s'immisce de par la porte d'Yal, le fait d'aller aux extrêmes, hein, dans la religion. Comme il est arrivé au Khawarij, il y a cette bande qui a été imbu et qui a pris l'esprit d'Yal Khawarij et l'opinion d'Yal Khawarij qui ont rencontré Jabir ibn Abdillah. Et il nous montre aussi que la voie de la paix et la voie pour être protégé de toute forme de perturbation et d'ambiguïté, c'est le fait de revenir vers les hommes de science. Comme sont revenus de cette fitna et de ces ambiguïtés d'Yal Khawarij, 2000 parmi les Khawarij après le débat qu'ils ont eu avec le savant de la communauté par excellence, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Et comme il est arrivé à cette bande qui a rencontré Abdullah ibn Jabir, Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, il a rencontré quand ils avaient envie, ils avaient voulu, ils avaient l'intention après leur pèlerinage de sortir leurs épées et leurs armes contre les musulmans. Mais quand ils ont entendu les arguments de Jabir ibn Abdillah, ils ont laissé tomber. Toute la bande est revenue, sauf un seul homme qui n'est pas revenu. بعد هذا التمهيد يقول الشيخ أقول ما أشبه الليلة بالبارحة فإن ما حصل من التفجير والتدمير في مدينة الرياض وما عثر عليه من أسلحة ومتفجرة في مكة والمدينة في أوائل هذا العام أي سنة 1424 للهجرة هو نتيجة لإغواء الشيطان وتزيينه الإفراط والغلو لمن حصل منهم ذلك وهذا الذي حصل من أقبح ما يكون في الإجرام والإفساد في الأرض وأقبح منه أن يزين الشيطان لمن قام به أنه من الجهاد وبأي عقل ودين يكون جهادا قتل النفس وتقتيل المسلمين والمعاهدين وترويع الآمنين وترميل النساء وتيتيم الأطفال وتدمير المباني على من فيها. Après cette introduction, Cheikh Hafidhahullah nous dit combien la soirée d'aujourd'hui ressemble à celle d'hier. Combien la soirée d'aujourd'hui ressemble à celle d'hier. Ce qui est arrivé comme dans le fait de poser des bombes et de détruire dans la ville de Riyad, là il cite de Riyad parce que quand il a écrit la Risala, c'était pendant cet événement. C'était juste après cet événement. Mais Hada, ça concerne ce qui est arrivé à Riyad, ce qui est arrivé à Casablanca, ce qui est arrivé à Madrid, ce qui est arrivé partout. C'est la même chose. Hein? Et ce qui a été retrouvé comme bombe et comme arme à Amka et à Médine au début de l'année 1424, ça c'est le résultat de l'embellissement d'Yal Shaitan qui a embelli à ceux-là, à ceux qui ont épousé l'esprit d'Yal Khawarij, hein? Il leur a embelli, Shaitan leur a embelli l'extrémité dans la religion. Et ce qui est arrivé comme crime, c'est le plus grand mal qu'il y a eu sur terre. C'est un grand mal sur terre. Et plus mauvais encore cela, c'est que Shaitan leur embellit ses actes en les faisant passer comme le combat sur le sentier de Allah Azza wa Jal. Et avec quelle raison, dit Cheikh, et dans quelle religion, ceci, le fait de tuer des innocents, des musulmans, ou là des gens qui sont dans des pays, des non-musulmans qui sont dans des pays qui sont mu'ahadines, qui ont des engagements avec les pays de l'islam, soit par contrat de travail, ils travaillent sur les pétroliers, ils travaillent comme enseignants, ils travaillent, techniciens dans ceci ou cela, ils sont mu'ahadines, ou musta'manines, ils ont la sécurité dans le pays, ils sont rentrés avec des droits, et une sécurité pas donnée par le gouverneur du pays, hein. Donc, le fait de les tuer eux, ou de tuer les musulmans, ou de tuer les musulmans et de déranger la sécurité et de troubler la sécurité des gens et de rendre les femmes veufs et de rendre les enfants des orphelins et de détruire des complexes d'habitation avec ce qu'il contient, ceci ne fait pas partie de la religion. Hein? Et que ceux qui veulent faire de ces attentats qu'ils commettent que ce soit à Londres ou là soit ailleurs, il veut les attribuer à l'islam, ceci, l'islam est innocent de tout cela. L'islam n'est jamais dans l'histoire du compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Prenez le bidaya ou le nihaya d'Ibn Kathir. Prenez Tariq Tabari. Prenez Tariq Zahabi. Prenez n'importe quelle histoire de nos puzzles d'Allah alayhim. En commençant par Tabari et en allant vers Ibn Kathir, Yad Zahabi, etc. et les autres, vous n'allez pas trouver un événement dans lequel un compagnon est sorti du blad muslimin pour aller bombarder ou là pour aller assassiner dans un pays de non-musulmans. C'est impossible. Ni chez les compagnons, ne vous allez le trouver chez les plus aïeux, leurs successeurs qui sont sur leur voie. D'où la stupidité de ceux qui disent, ce n'est qu'un pays de mécréants. Là, et devant Allah, tu vas rendre compte. Devant Allah, tu vas rendre compte. Tu es un innocent, tu vas rendre compte devant Allah, Azza wa Jal. Qui t'a légiféré de le tuer? Qui t'a légiféré de le tuer? Je crois que l'autre fois, je vous disais, sur celui, un journaliste a dit à un père de famille qui a dans son fils été victime de la bombe du métro de Saint-Michel en 95-96, au moment où l'affaire de l'Algérie était à son plein. Et le journaliste a dit à ce père de famille, qu'est-ce que tu dirais à l'assassin de au poseur de bombe, qu'est-ce que tu lui dirais si tu es en face de lui? Il lui a dit, je vais lui poser tout simplement la seule question, une seule question. Est-ce que Allah t'a ordonné de tuer mon fils? Point final. Est-ce que Allah t'a ordonné de tuer mon fils? Là, quelle réponse? Qui répond à ça? Qui répond? Qu'est-ce qu'il va lui répondre? Quelle est sa réponse devant cette... Peu importe le père ce qu'il est. C'est un innocent qui est parti, qui a été victime de cette bombe. Et pas que lui, il y a d'autres. D'autres innocents sont partis. Et dans tout ce qu'on voyait, où là maintenant nos jeunes, en Europe, ils sont bien dans leur vie, etc. Et tout d'un coup, tu entends, celui-là est parti avec sa femme, on les a arrêtés en Syrie. Et certains, on les a arrêtés en Irak, etc. Quoi? Ils sont, quand on les a arrêtés, ils étaient ceinturés avec des bombes. D'où vous ramenez ça? C'est quoi cette religion qui vous enseigne ça? Dans quelle voie? Dans quel enseignement du prophète alayhi salatu wassalam vous l'avez tiré? Ceci ne vient que des égarés de la communauté. Ceux qui vendent le paradis. Vous avez le paradis si vous vous faites exploser. Et ils les envoient, que ce soit à l'étranger ou l'ahada. Et en général, ceux qui donnent ce verdict, où ils sont? Soit ils sont tirés dans les cavernes, ils peuvent même pas sortir. Ils sont dans les affluents des montagnes et dans les forêts, comme les fauves, et comme les venins qui s'enterrent dans les trous. Soit ils sont adossés dans les grands hôtels de confort, dans les pays non musulmans. Et de là-bas, ils envoient le venin à la communauté de l'islam. Et ils envoient au feu les jeunes de la communauté. Et ceux qui n'ont pas de science, ceux-là, qui ont un peu de science, ceux-là qui ont des ambiguïtés, ils les envoient au feu comme ça. Et par eux, par cet acte-là, qu'est-ce qui arrive? Combien de familles sont terrorisées maintenant? Combien de perquisitions on a fait chez des innocents? On est rentré sans respecter la pudeur de la femme du frère. Certaines sœurs sont traumatisées. Des enfants sont traumatisés. La cause c'est qui? C'est toi, Yahri. C'est toi qui, avant de vendre ta raison à quelqu'un d'autre, avant de quitter n'importe quoi, avant de faire n'importe quoi, tu n'es pas revenu aux hommes de science. La cause c'est toi, au lieu de t'orienter vers les hommes de science pour te montrer le chemin de ton prophète alayhi salatu wassalam et le chemin de la quiétude et le chemin dans lequel il n'y a pas d'ambiguïté, tu t'es accroché aux pseudo-leaders et aux pseudo-savants. C'est pour ça qu'il faut qu'on se réveille. Il faut chaque fois, il est de notre devoir aussi, quand on parle avec nos frères, il faut essayer de secouer. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il faut regarder ce qu'il y a. Le frère, peut-être, il est à côté de toi, il porte des ambiguïtés, toi, tu ne te rends même pas compte. Il faut voir. comme certains de mes cheikhs, rahmatullah alayh, disent des fois, il faut même essayer de secouer ta femme à côté de toi. Voir s'il n'a pas, en rencontrant d'autres femmes, hein, des gris-gris par-ci, des gris-gris, vous voir un petit peu. Il faut faire, hein, un petit nettoyage de printemps des voix, hein, pour savoir, hein, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est émissé. Parce que Shaitan, l'entourage, etc., il faut savoir qui on fréquente, quel esprit il porte, qui il fréquente eux. Parce que peut-être que lui, c'est un bon frère, il porte du monde. Mais peut-être que ses intimes sont dangereux. Et combien de fois on entend parler de Nupizayr d'Allah, les paroles de Nupizayr, ils le disent. On leur dit, cet homme-là, il est bien ici. Il dit, qui est son intime? Quand on lui dit tel, il lui dit, c'est un qadari. Il le rejoindra avec. La même chose. Quand ton ami, tu sais, qu'il a, etc., et qu'il a des intimes, qui sont khawarij, qui sont kada, sahib, هذا l'intime, راه il atteint, il te tire. Il y a l'effet de, comment vous l'appelez, le limon, tire. Faut très attention. Le frère est gentil, etc. L'air, il est gentil, d'accord. Mais je dois me protéger. Moi, je dis pas qu'il n'est pas gentil. Mais je dois me protéger. Hein? Il en va de l'agrément de l'Azza wa Jal dans ce bas monde et dans le delà. Hein? Il faut que je me protège des ambiguïtés. Et il fait partie du devoir que nous avons les uns envers les autres. C'est le conseil. Et que nous protégeons les uns les autres des ambiguïtés des autres. Hein? Et que nous protégeons nos familles aussi à l'intérieur de la maison. De temps en temps dans les expressions qu'ils emploient, etc., pour voir avec qui on y est. Pour croire que Shaitan, les ennemis de la voix, ils font leur travail. Ils font leur travail. Ils injectent par différents moyens. Et maintenant, il n'y a plus de limites. Hein? Des ambiguïtés que tu peux, avec lesquelles tu peux te retrouver sur Internet, etc., ils t'en finissent pas. Hein? Et t'en finis pas. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى وقد رأيت إرادة ما أمكن من نصوص الكتاب والسنة في مجيء الشرائع السابقة بتعظيم أمر القتل وخطره وإيراد نصوص الكتاب والسنة في قتل المسلم نفسه وقتل غيره من المسلمين والمعاهدين عمدا وخطأ وذلك لإقامة الحجة وبيان المحجة وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وأسأل الله عز وجل أن يهدي من ضل إلى الصواب ويخرجهم من الظلمات إلى النور وأن يقي المسلمين شر الأشرار إنه سميع مجيب آمين إيه الشيخ حفظه الله تعالى يقول je vois qu'il faut que je ramène des textes du livre et de la sunna et les textes qui sont dans les autres législations ces textes qui attirent l'attention sur le danger et sur la grandeur du fait d'assassiner. Hein? Et de ramener les textes qui attirent notre attention sur le fait d'assassiner un musulman ou un non-musulman, hein? Ou d'assassiner quelqu'un, un mu'ahad, quelqu'un qui est rentré dans un non-musulman qui, le mu'ahad, c'est un non-musulman qui est rentré dans un pays de l'islam avec un engagement. Faites de le tuer, soit délibérément, soit par erreur. Le cheikh, il va nous ramener les textes qui attirent l'attention sur le danger de la situation. Et le cheikh, il dit, c'est pour accomplir la preuve et pour montrer la voie claire. Pour que périsse celui qui périt, hein, avec clarté. Et vive celui qui vit, hein, dans la clarté aussi. Et il fait dua à la fin de ce passage, pour que Allah subhanahu wa ta'ala guide les égarés de la communauté et qu'il les ramène à la lumière, qu'il sorte des ténèbres vers la lumière. Nous disons Amin, c'est ce que nous voulons. Que Allah subhanahu wa ta'ala les guide, il les ramène sur la voie. Fa yaqulu al-shaykh Suhaymi hafidhahullah mu'alliqan ala hadha Allahu akbar. Awalan الرسول صلى الله عليه وسلم وصفوا الخوارج بأنهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام. فأكثر الذين خرجوا من السفهاء والذين تقدموا لقتل عثمان جلهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، وكذلك جل الذين استحلوا دماء المسلمين. شيخ سحيمي حفظه الله تعالى يا الله أكبر. Premièrement, le prophète عليه الصلاة والسلام a décrit les Khawarij qu'ils sont des jeunes. Au niveau de l'âge, ils sont très jeunes. Et qu'ils sont insensés. Hein? Pas de raison. Ils ne raisonnent pas. Et beaucoup parmi qui se sont révoltés, qui sont sortis, font partie des Soufaha. Et ceux qui sont allés en avant pour tuer Uthman, radiallahu ta'ala, sont tous des jeunes. Et tous ceux qui ont fait licite le sang des musulmans sont des jeunes. Et tous ceux qu'on arrête par-ci, par-là, que ce soit en Irak ou en Syrie, sont des jeunes. Hein? C'est pour ça que Cheikh, auparavant, le paragraphe auparavant, il a attiré notre attention que la jeunesse, c'est la période de la mauvaise compréhension. La jeunesse, c'est la période de la mauvaise compréhension. ويقول الشيخ حفظه الله وكما شاهدتم الآن هؤلاء الذين غرر بهم شيوخ الضلال الذين يعيشون في بلاد الضلال ويملون عليهم هذه الأفكار لعل أيضا بعضكم رأى صورهم فهم صغراء صغار حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام أعطوهم صكوك الغفران ووعدوهم بالجنان حتى استحلوا دماء المسلمين وأموالهم بل واستحلوا قتل أنفسهم أولا وثانيا قتلوا المسلمين وثالثا قتلوا المعاهدين والدميين ورابعا استحلوا حرمة هذا الشهر المبارك وخامسا ضلوا وأضلوا وصاروا قدوة للشر وسادسا استباحوا الدماء المعصومة التي عصمها الله سبحانه وتعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه أو من تردى من شاهق أو من تردى من شاهق أو من وجأ نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها يوم القيامة في النار خالدا مخلدا فيها. Et Cheikh de nous dire, vous avez vu ceux qui se sont fait avoir par les chouyours de l'égarement, qui vivent dans les pays de l'égarement, et qui leur dictent ces pensées. Et peut-être que certains parmi vous ont vu leurs photos. Ils sont très jeunes. Mais rappelez-vous, contre le 11 septembre et tous les événements qu'il y a et les photos que vous voyez. Hein? Beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Le prophète ne parle pas de ses propres passions. Hein? Des jeunes qui n'ont pas de science, qui n'ont pas de bagage, qui n'ont pas d'immunité scientifique. L'immunité scientifique au niveau du livre d'Allah, Azza wa Jal et de la sunna de son prophète, alayhi salam, selon la voie du puiseur, d'Allah alayhi. Et ces pseudo savants, ces chefs de l'égarement, ces leaders de l'égarement, ils leur ont donné le grand pardon, ils leur ont promis le paradis, comme si le paradis appartient à leur père. Entre vous et le paradis, il n'y a que le fait que vous posez une bombe, vous sautez avec, ou là vous assassinez. Hein? Et puisqu'ils leur ont fait cette promesse, ils ont rendu le sang des musulmans licite. Hein? La fortune du musulman et le bien des musulmans licite. Ils se sont même tués eux-mêmes. En premier, ils se sont tués eux-mêmes. En s'exposant en premier. Hein? Après, ils ont tué les musulmans. Et quand ça se passe dans un pays de l'islam, dans lequel il y a des non-musulmans qui sont là et qui vivent là et qui sont avec des contrats, avec le gouverneur, etc., ces mu'ahadines se trouvent aussi des victimes. Ceux qui sont sous la tutelle des musulmans dans les pays de l'islam se trouvent comme victimes aussi dans les décombres. Casablanca, Bazinta, et la chlette continue. Riyad, etc., et tu vas. Ounazi, etc., et la liste est longue. Et aussi, quatrièmement, ils ont fait. Ils n'ont pas respecté le sacré du mois de Ramadan. Là, pour ceux qui ont commis ces actes pendant le mois de Ramadan, à Riyad. Et cinquièmement, ils se sont égarés, ils ont égaré. Ils sont devenus un mauvais exemple. Ils sont devenus l'exemple du mal. Sixièmement, ils se sont autorisés de tuer. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, les âmes que Allah subhanahu wa ta'ala fait haram. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se tue lui-même, soit il saute par une montagne, ou celui qui se poignarde avec un couteau ou avec un fer, ou celui qui boit du vin, ce mouvement-là, il va le faire tout le temps. Sauter tout le temps au feu de l'enfer, comme il a fait en se suicidant, en se jetant d'une montagne, il va tout le temps se poignarder éternellement comme ça, le jour de la résurrection. Il sera éternel, le feu de l'enfer, comme il a dit le prophète, alayhi salam. لذلك يقول الشيخ حفظه الله انظر إلى حديث عروة بن الزبير وقد جاء إلى خالته عائشة رضي الله عنها وأبدى لها ما فهمه من قول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فقال لها إنه فهم من الآية أنه لا مانع من أن يترك السعي لأن رفع الجناح معناه أنه مخير أن يسعى بين الصفا والمروة أو أن يترك. C'est pour ça الشيخ il attire notre attention. Il dit regardez ce hadith de Urwa ibn Zubair, ce tabi'i qui est venu vers Aïcha radiyallahu ta'ala pour lui exposer à Aïcha quoi? Sa mauvaise compréhension de ce texte. Il a dit à Aïcha, certes Safa ou Marwa sont partie des emblèmes d'Allah Azza wa Jal et qu'il n'y a aucune gêne. Qu'il a compris du verset qu'il n'y a aucune gêne, que celui qui fait l'umrah ou le pèlerinage, qu'il n'y a aucune gêne s'il laisse, il a le choix de faire le va-et-vient ou de ne pas le faire. فقالت له رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما قالت له لو كان كذلك لقال لا جناح عليه ألا يطوف بهما لكن هنا أراد أن يزيل رحمه الله أن يزيل ما كان عاقلا عارقا في ذهني من آثار ما كان يفعل في الجاهلية وذلك أنهم لا يطوفون بين الصفا والمروة بل ولا يعتمرون في أشهر الحج إلى أن ينتهي صفر ولذلك كانت العرب تقول إذا انسلخ صفر وعث الأثر وبرئ الضبر حلت العمرة لمن اعتمر. Aïcha radiyallahu ta'ala anha, la véridique fille du véridique, ridwanullahi alayhim jami'an. Elle dit, ce n'est pas ainsi. Si c'était ainsi, le verset serait comme ça. Il n'y aurait pas de gêne, pour celui qui ne fait pas le vin et vient avec. Ça aurait été clair. Dit clairement comme ça, il n'y aurait pas de gêne pour celui qui ne fait pas le va et vient entre Safa et Marwa. Mais ici, Urwa ibn Zubayr vont lever quelque chose qui est resté dans son esprit. De ce que faisait, l'Ansar, à l'époque d'Al Jahiliya, quand ils allaient à l'Umra ou à l'Hajj, ils ne faisaient pas tawaf. Ils voulaient enlever cette image, ce qu'il a entendu de cet acte. Ils voulaient l'enlever de sa tête. Parce que Umar, avec l'Umra et l'Hajj, dans le temps avant l'islam, ils ne faisaient pas le va-et-vient entre Safa et le Marwa. C'est pour ça qu'il est connu chez les Arabes que quand ils disent quand se termine Safar, à ce moment-là, l'Umra est devenu, il faisait pas l'Umra pendant les mois de sacré, il faisait pas de Hajj pendant les mois sacrés. Quand Safar arrive, c'est-à-dire une fois que tous les mois de Hajj sont terminés, à ce moment-là, l'Umra devient licite. تبينت له رضي الله عنها أنه أخطأ في هذا الفهم. وهو مهد لنفسه لأنه فهم هذا الفهم عندما كان صغير السن فلذلك أراد أن يبين لغيره أن الصغير عليه أن يسأل الكبير وربنا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إيه عائشة رضي الله تعالى عنها lui a montré qu'il s'est trompé dans cette compréhension et lui il a fait une introduction. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit j'ai compris ça quand j'étais jeune. Le prophète a dit que le fait d'être jeune, ça amène à des mauvaises, dans le sens des hadiths qui ont été cités, et que beaucoup de nos savants parlent du fait que tous les jeunes qui sont sortis, tous les khawarij qui sont sortis jeunes, et tout ça, parce que la jeunesse ramène des fausses compréhensions. Et ici, Abdallah, hein, Urwa ibn Zubayr, il dit, j'étais jeune et j'ai eu cette compréhension quand j'étais jeune. Hein. C'est pour ça qu'Abdallah ibn Zubayr nous dit, Cheikh Suhaimi, Hafidhahullah Ta'ala, veut montrer à d'autres qu'il est obligatoire aux petits ou jeunes de demander aux grands. Hein? Par en mettant en application la parole d'Allah Azza wa Jal et demander aux hommes de science quand vous ne savez pas. Wa yaqul al-Sheikh Suhaimi hafidhahullah wa intabih li hadha. يا من تريد أن تستقل برأيك ولست من أهل العلم انتبه لهذا وكثيرا ما كان يقول أسد السنة وإمامها في هذا الزمان كثيرا ما كان يردد هذه العبارة كان الشيخ ناصر يردد هذه العبارة رحمة الله عليه وهو أسد السنة في هذا الزمان وما علم له نظير في الحديث وفي الفقه في هذا الزمان وهذا بشهادة أعمدة العلم في هذا الزمان كان يقول يا من تزبب قبل أن يتحصرم يا من تزبب قبل أن يتحصرم كان يعيد كلمة كذلك يا من يحاول الطفيم فهم يا من يحاول الطيران قبل أن يري يكون عنده الريش يسي سيخ سحيمي حفظه الله نزيد Faites attention. Toi qui veux être indépendant dans ta compréhension, fais attention. Toi qui veux prendre l'indépendance dans ta compréhension et que tu ne fais pas partie des hommes de science, fais attention. Ici, je cite une parole d'elle, le lion de la sunna à notre époque. Hein? Le lion de la sunna, celui qui a travaillé le hadith comme personne ne l'a travaillé à notre époque. Le jurisconsulte par excellence. Et le muhaddith par excellence, ceci c'est le témoignage des grandes montagnes de science de notre époque. Il disait, toi qui n'es pas encore devenu un bourgeon, tu veux devenir un raisin sec. Il faut d'abord devenir un bourgeon, avant d'être un raisin, pour devenir un raisin sec. Et souvent il employait ça pour attirer l'attention qu'il ne faut pas brûler les étapes, qu'il faut rester à sa place, qu'il faut savoir où est-ce qu'on est. Et souvent, il utilisait cette expression, il disait, toi qui veux s'envoler avant d'avoir des ailes. Toi qui veux t'envoler avant d'avoir des ailes. Ces paroles et ces expressions de ces grands chouyours, ou de ces imams de la communauté, doivent attirer notre attention. Ils ne les disent pas pour rien. Ils les disent pour que nous fassions gaffe, pour que nous fassions attention, pour qu'on ne sorte pas de nos limites, pour qu'on sache qui on est. Et à quelle place nous devons être. اسمع يا اخي الاسلام وعي كلام الشيخ سحيمي حفظه الله. اسمع وعي كلام الشيخ حفظه الله. وهذا ليس بالشاب فالرجل اخذ تقاعده ومضى عليه سنوات وهو يدرس في الجامعه وسنوات وهو يدرس في مسجد رسول الله ولا زال يدرس. يقول والله إنا لنستحيي أن نبدي رأيا في مسألة فرعية بحضور مشائخنا الكبار الله أكبر والله إنا لنستحيي أن نبدي رأيا في مسألة فرعية بحضور مشائخنا الكبار ويقول والله إننا لنخجل ونستحيي ولو بدا لنا رأي ولو بدا لنا فيها رأي آخر وهذا في مسألة من المسائل الفقهية الفرعية الاجتهادية ويقول والله إني لأستحي وأخجل أن أتكلم فيما ظهر لي في مسألة ما من المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد وأولا واسمع هذا وهو من هو وأولا لا أدعي أنني من أهل الاجتهاد وأولا لا أدعي أنني من أهل الاجتماع من أهل الاجتهاد ويقول حفظه الله إذا كان مشايخي قد قالوا فيها رأيا وأفتوا فيها برأي. ويقول ولذلك فإن بعض المسائل التي قد يظهر لي فيها رأي آخر لا سيما المسائل المهمة فإني أحيل السائل إلى مشايخي وإلى علماء الأمة، وهذا هو الذي ينبغي أن نفعله جميعا. يقول الشيخ والشيخ ليس بالساب، ليس بحديث السن، et écoute ces paroles. Ouvre bien ton cœur à ces paroles parce qu'il ne vient d'un homme qui ne vaut le bien. Un homme, plusieurs années, il a voué à l'enseignement dans l'université de Médine. Cet été, il a pris sa retraite, tout simplement, de l'enseignement à l'université. Il a toujours sa chaise dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wa sallam. Dit, par Allah, j'ai honte d'émettre une opinion, même dans un sujet. Dans un, hein, ce qu'on appelle le furu', pas dans l'usul, dans le furu', hein, en présence de nos grands chouyoukh. Et qui? En présence de nos grands chouyoukh, il dit, Cheikh Suhaimi, qu'il a honte de d'émettre son une opinion. Et au gars de nous, des fois, le frère il entend, quelque chose, si Omar ibn al-Khattab il l'entendait, il va réunir les hommes de Badr. Et tout de suite, lui, il part tout de suite. Tout de suite, il part. Alors que c'est cette situation a été exposée à Omar ibn al-Khattab, il va réunir les sahaba qui ont vécu Badr pour avoir leur opinion, pour savoir ce qu'ils ont comme preuve du prophète alayhi salatu wa sallam. Regarde ce que dit Cheikh Habiballah. Il dit, par Allah, j'ai honte. Si j'ai une opinion, une autre opinion que le mashayikh, et ça, dans le sujet de la jurisprudence, Bodo, Salah ou autre, il dit, si j'ai une autre opinion, il ne l'aimait pas. Dans les sujets où il y a la place, où il y a la place à l'effort de l'interprétation, il ne l'aimait pas devant l'opinion, il ne le met pas devant l'opinion de ses grands mashayikh. Regarde. Et c'est ça que nous devons apprendre. Nous aussi, nous devons rester à notre place. Être derrière nos grands savants. Être derrière nos grands savants. Et de ne pas avoir des opinions qui sont marginales par rapport à ce que disent les savants. Et qui sommes-nous pour avoir des opinions? Qui sommes-nous? Wallah, par Allah. Regardez le serment. À plusieurs fois, il le répète. Par Allah, j'ai honte de parler sur un sujet, sur une situation dans laquelle j'ai une opinion. Parmi les sujets qui dans lesquels il y a la place à l'effort de l'interprétation. Il dit par Allah, je ne prétends pas faire partie de ceux qui doivent faire ou là, qui ont le droit de faire l'ijtihad. Et Allah, qu'est-ce que tu veux dire? Combien de docteurs maintenant sont sans fruit, ils ont étudié chez lui. Et regarde ces paroles comment ils sont. Ça, il est de notre devoir de s'éclairer toujours avec les conseils d'Ibn Mashayikh. Pour ne pas être un but de soi et pour ne pas nous faire n'importe quoi dans la voie d'Allah Azza wa Jal. C'est une voie. Décréter cette voie, il est saine. Il faut la prendre telle que l'on prie les puissants d'Allah alayhim. Avec la même compréhension, avec le même comportement, etc., etc. Il ne faut pas sortir, il ne faut pas se marginaliser par rapport aux savants. Et il dit, si mes savants ont donné un verdict et j'ai une opinion, je ne l'aimais pas. Et il dit, dans certains sujets, et surtout des sujets importants, j'ai une opinion, mais quand j'entends que les grands machaïrs ont leur opinion là-dessus, il garde son opinion pour. Et il oriente les gens vers les grands savants. Combien de fois le frère l'entend dans le haram? Is'alou ahl al-ilm. Is'alou ahl al-ilm. Is'alou l'ulama. Is'alou. Allez voir Cheikh Ibn Baz. Allez voir Cheikh Ibn Mohsin al-Abbad. Hein? Combien de fois les frères l'entendent dans ces cours comme ça? Hein? Ici, c'est ce qui, chéri, nous dit. Ici, c'est ce que nous devons faire tous. C'est un conseil qu'il nous donne. C'est ce que nous devons faire tous. Je rappelle que chéri, c'est pas un jeune. Hein? Ça, il dit que avant que tu parles, frère en Allah, Azzawajal, avant que tu fasses porter un sens à la parole que tu as entendue d'un savant, ou avant que tu donnes une définition à la parole que tu as entendue d'un savant, et avant que tu prennes l'indépendance dans ta compréhension sur la parole d'un savant, fais attention. Fais attention. Parce que si tu es sur une pente dangereuse, à vouloir prendre l'indépendance dans ta compréhension, tu es sur une pente dangereuse. Il va t'amener très loin. Il va t'amener très très loin. ويقول الشيخ حفظه الله وأما لما ظهر الصغار وأعجب كل ذي رأي برأيه ونطق الرويبض وتعالم الناس وادعى العلم من ليس أهلا له وضل وأضل كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتصدى عند فقد العلماء الرؤساء الجهال فيسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون وصدق الشيخ فيما قال فيما يقول. Mais quand les jeunes ont fait surface, ont pris le devant, et chacun est imbu de son opinion, et que l'insensé parle dans les sujets de la communauté, roi et beva, l'insensé parle sur les grands sujets qui concernent toute une communauté, et que certains ont prétendu la science, ceux qui ne sont pas dignes de la science prétendent la science, ainsi est arrivé. Ils se sont égarés, et ils ont égaré les autres avec eux. Ils ont mené les autres vers l'égarement. Et ça, c'est la véracité du message de Mohammed alayhi salatu salam, qui nous a annoncé ceci. Et au moment où il y aura plus de savants, la communauté va perdre ses savants, qu'est-ce qui va rester? Des têtes ignorants. Ils vont prendre à leur tête des ignorants. C'est ce qui va se passer. Ils vont leur poser des questions. Et ceux-là, ils vont donner le verdict. Et eux, ils vont s'égarer, ils vont égarer les autres avec eux. Allah subhanahu wa ta'ala tabas. Allah subhanahu wa ta'ala an nakuna min muttabi'i salafi hadi al-umma wa an na'mala bi nasa'ihi mashayikh ridwanullah alayhim. Innahum hum an-nur. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Parce que nous soyons derrière les savants, que nous prenons les conseils et les points sur lesquels ils attirent notre attention. Pour ne pas s'égarer. Hein? Pour ne pas s'égarer et égarer aussi les autres avec. Parce que des fois, tu as ta femme avec toi, tu as tes enfants. Tu vas pas partir tout seul. Et des fois aussi, tu as une influence sur certains. Certains t'écoutent, t'apprécient, etc. Tu vas les entraîner avec toi. Mais devant Allah, qu'est-ce que tu vas dire? Devant Allah, qu'est-ce que tu vas dire? On sait plus loin. Parce que les conseils que nous donne Mashaykh, hafidhahumullah ta'ala, c'est pour nous préserver du grand châtiment. C'est pour nous préserver de la douleur du châtiment dans l'au-delà. Et pour ne pas dire ce qu'il ne faut pas dans la religion de Allah, Azzawajal. Pour ne pas dire ce qu'il ne faut pas sur la voie du prophète, alayhi salatu salam, et dans la sunna du prophète, alayhi salatu salam. Hein? Il se mine la santé pour que, hein, on soit sur la voie droite, dans leurs conseils, etc. Et ça leur déchire le cœur de voir des jeunes se perdre, des jeunes qui ont des compréhensions qui n'en sont pas. يقول الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ما جاء في تعظيم أمر القتل وخطره في الشرائع السابقة. Donc le Cheikh Abd al-Muhsin al-Abbad de nous dire dans ce paragraphe les textes qui nous ont été ramenés dans la situation dangereuse dans les autres législations, pas la législation de l'islam, du fait d'assassiner, comment les textes aussi dans les autres religions avertissent contre ce danger, qui est le danger d'assassiner les autres. قال الله عز وجل عن أحد ابن آدم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. الله سبحانه وتعالى nous dit de l'un des enfants d'Adam dans cette traduction approximative du sens du verset, et son âme l'a incité à tuer son frère, et il l'a tué, et il est devenu parmi les perdants. وقال الله عز وجل ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Et dans cet autre verset et dans cette traduction approximative du sens, Allah nous dit: c'est pour ça nous avons transcrit à la descendance de Banu Israël que quiconque tue une personne non coupable d'un meurtre ou d'un mal sur terre, c'est comme il avait tué tous les hommes. Et celui qui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل رواه البخاري ومسلم. Le prophète عليه الصلاة والسلام, dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, il a dit: chaque âme, chaque personne qui sera tuée injustement, le péché va rejoindre aussi. Celui qui a tué, il va avoir son péché, mais le péché va rejoindre aussi le premier fils d'Adam qui a tué, parce que c'est lui qui a fait, qui a ouvert cette voie-là, c'est lui qui a fait cette sunna-là. وقال الله عز وجل عن رسوله موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال للخضر أقتل أنت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. إيه الله سبحانه وتعالى وعليكم السلام nous a dit de son messager موسى عليه الصلاة والسلام quand il a dit à الخضر tu as tué un être innocent qui n'a tué personne, qui a commis une chose affreuse. وقال عنه فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. Et il nous dit encore de Isa, de Moussa عليه الصلاة والسلام, dans cette traduction approximative du sens du verset, l'homme de son clan, c'est-à-dire l'homme du clan de Moussa alayhi salatu wassalam, appela Moussa à son secours contre son ennemi. Moussa lui donna un coup de poing qui l'a achevé. Et Moussa de dire ceci, l'œuvre du diable, c'est vraiment un ennemi, un égareur évident. Moussa dit, Seigneur, je me suis fait un tort à moi-même, pardonne-moi. Et Allah lui pardonna. C'est lui vraiment le pardonneur, le miséricordieux. وفي صحيح مسلم عن سالم بن عبد الله بن عمر قال يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ فقال الله عز وجل وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وقول سالم بن عبد الله ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة يشير بذلك إلى ما جاء عن أبيه في صحيح البخاري أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض فقال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتايا من الدنيا يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما. Dans l'authentique de Muslim de Salim ibn Abdillah ibn Omar, il a dit aux gens de l'Irak, combien de questions vous posez sur des petites choses et vous faites les grandes choses. Posez des questions sur les petits péchés et vous commettez les péchés capitaux, les grands. Vous les commettez et vous posez des questions sur les petits. J'ai entendu mon père Abdullah ibn Omar dire, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire que le fitna, perturbation, les troubles, va venir de là. Et il a fait signe vers l'est, vers le lever du soleil, vers la direction de l'Irak. De là, on monte les cornes d'Yal Shaitan. Et vous, vous entretuons entre vous, vous coupez la tête les uns les autres. Moussa alayhi salatu salam a tué l'homme du groupe de Pharaon par erreur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans cette traduction approximative, de Moussa alayhi salatu salam, tu as tué un individu et nous t'avons sauvé des craintes qui t'oppressaient et nous t'avons éprouvé avec plusieurs épreuves. Et la parole de Salim ibn Abdillah, mais vous posez des questions sur le petit péché alors que vous accomplissez les grands péchés. Il fait allusion au hadith rapporté par son père chez le Bukhari, rahimahullah, qu'un homme de l'Irak a demandé, regardez, a posé la question. Abdullah ibn Omar, sur le son de la puce, tu vois la puce, c'est un petit truc qui pique. Il a des ailes, il s'envole très vite, il se cache. Tu sais les pucerons que tu vois chez les chiens, et tu vois, si tu es dans une montagne, etc., tu es avec le troupeau, etc., tu risques de les attraper, etc. Tu peux les attraper dans n'importe quoi. Mais c'est des petites bêtes. Et au moins, il pose des questions sur ça. Subhanallah. Il pose des questions sur le son de la puce. Et Abdullah ibn Omar se tournait vers l'assistance et leur dit, regardez celui-là. Il pose la question sur le son de la puce, alors qu'ils ont tué le fils du prophète, alayhi salam. Et j'ai entendu le prophète, alayhi salam, dire, sur le Hassan et le Hussein, que ce sont mes senteurs dans ce bas monde. Rahanataya. Et souvent, regardez, pourquoi l'expression Rahanataya, mes senteurs. Regardez la maman quand il prend sa fille. Tu sais, il la sent. Les parents aussi, quand ils ont des enfants, ils les sentent. Parce qu'il y a une odeur à gagner. Et le prophète, alayhi salam, il dit, Hassan et le Hussein, ce sont ces senteurs, ces agréables senteurs dans ce bas monde. Il les a appelés ainsi. Hassan ou Hussein, radiallahu anhu. Ils ont tué. Ils demandent, ils posent la question, ils ont tué. Hassan, ils posent la question sur le son de la puce. Subhanallah. في هذا المدخل ربط الشيخ حفظه الله بين فعل خوارج اليوم وخوارج الأمس الذين استباحوا دماء المسلمين وأموالهم والذين يتيتم الأطفال في تقتيلهم وتقتل النساء ويرملن هؤلاء الذين استباحوا ما حارم الله ومن أقبح القبيح أن يسمى الشيء بغير اسمه. Ici, Cheikh Salih Suhaimi Abidallah, il commente ce passage. Il dit dans ce passage, Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad fait la liaison entre l'acte des anciens Khawarij et l'acte du nouveau Khawarij. Les Khawarij d'autrefois, d'hier, et les Khawarij d'aujourd'hui. Ceux qui ont fait, aujourd'hui, qui ont rendu les sangs des musulmans licites, leurs biens licites. Ceux qui, par leurs actes, rendent des enfants orphelins. Ceux qui, par leur assassinat, font que des femmes deviennent des veuves. Ceux-là, ils ont transgressé le sacré d'Allah Azza wa Jal. Il fait partie du grand mal. C'est le fait de donner un nom qui ne correspond pas à la chose. Et ceux-là, leur acte criminel, ils l'appellent jihad. فَالَّذِينَ يَذْبَحُونَ الْمُسْلِمِينَ كما تذبح النعاج ويسمون ذلك جهادا نقول لهم إن هذا الذي تسمونه جهادا إنه جهاد في سبيل إبليس لأنه هو الذي سول لكم وأملا لكم. شيخ سحيمي حفظه الله تعالى يجي ceux qui égorgent les musulmans comme on égorge les moutons et qui appellent ça combat sur le sentier de Allah Azza wa Jal, nous leur disons: ce que vous appelez combat sur le sentier de Allah Azza wa Jal, c'est le combat sur le chemin d'Yal Shaitan, parce que c'est lui qui veut l'heure, et c'est lui qui veut le dicte. سَوَاءً أُولَٰئِكَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْ يَقْتُلُونَ فِي الْجَزَائِرِ وَغَيْرِ الْجَزَائِرِ حَتَّى فِي بِلَادِ الْكُفْرِ أولئك الذين فجروا في أوائل هذا العام، أم أولئك الذين فجروا يوم السبت الماضي وقتلوا العشرات وجرحوا ما يربو على المئات من المسلمين الأبرياء وأكثرهم أطفالا ونساء؟ Il dit, Cheikh Sahamid dit, soit ceux qui ont tué auparavant en Algérie, ou ceux qui tuent encore en Algérie et dans d'autres pays, hein? Ou ceux qui mettent des bombes, qui ont mis des bombes au début de l'année, parle de l'année 1424 en Arabie Saoudite, hein? Ou les autres, ou ceux qui ont mis des bombes, parlez de la semaine dernière au moment où il faisait son cours, et qui ont tué des centaines de personnes, qui ont tué des dizaines de personnes, ils ont tué plus de 100 personnes, et ils ont plus de 100 personnes se sont retrouvées blessées, etc. Parmi les musulmans qui sont innocents, parmi les mu'ahadines, parmi les dhimmines, parmi tout ça. Et il dit beaucoup parmi ceux qui se sont retrouvés dans les décombres, ce sont parmi les femmes et les enfants. بل ويقول الشيخ بل وأسرة مسلمة بكاملها مسحت ولم يبق منهم أحد في إحدى الشقق وقد وجد من بين هؤلاء القتلى امرأة تقرأ في كتاب الله وبالتحديد كانت تفتح صفحة على صورة الكهف ومصوبة عينيها إليها قبل أن تقتل بإجرام هؤلاء السفهاء المجرمين الذين صنعتهم القنوات الفضائية والعصابات الإجرامية التي تغذي بتهييجها وتنفيرها سواء ما كان منها في الداخل أو ما كان منها في الخارج ممن يعيش في بلاد الكفر والإلحاد وهؤلاء لهم أبواب تغذي عبره هذا الفكر الدخيل فكر الخوارج الذي هو من أسوأ الأفكار إلى ذي الشيخ حفظه الله même une famille entière a été anéantie, famille complète a été effacée de la carte. Plus d'existence. Le père, les enfants, tout le monde s'est retrouvé sur les décombres. Tout le monde est parti victime de cet acte. Et il a été retrouvé parmi les gens qui se sont retrouvés morts dans cette opération, dans ce bombardement, comment on l'appelle? Dans cet attentat. Voilà, il faut appeler les choses comme il se doit. Donc, ceux qui se sont retrouvés sur les décombres de cet attentat, retrouver une femme qui lisait le Coran, la page, quand ils ont retrouvé la page, ils ont retrouvé la page ouverte sur Surat al-Kahf. Hein? Et la femme avait son œil sur la page de Surat al-Kahf. Avant qu'il soit tué. Par le crime de ceux-là. Par le crime de ceux qui ont commis ces attentats. Qui sont des chers, ce sont des criminels. Ce sont des criminels. Ces criminels qui ont été fabriqués par les médias. Ces criminels qui ont été fabriqués par des bandes de criminels qui nourrissent leur esprit en les excitant et en les éloignant des savants et des hommes de science. Que ce soit ces criminels qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur des pays de l'islam, que ce soit l'Arabie Saoudite ou ailleurs, hein, ou à l'extérieur. Ceux qui vivent dans les pays de la mécréance. Et ceux-là, ils ont des antennes à travers lesquelles ils nourrissent cet esprit, à travers lesquelles ils injectent ce venin et cette pensée d'Al-Khawarij, qui est la pire des pensées. ويقول الشيخ ولا أشك أن وراء هذا كله شعروا بذلك أو لم يشعروا من يسيرهم من طرف خفي من منظمات الماسونية والروتاري والموساد وغيرهم من الأحزاب والمنظمات التي تصطاد في الماء العكر. الشيخ يقول: j'ai pas de doute. Derrière tout ça, que ceux-là, ils le veulent, ou là qu'ils l'ont, ou là qu'ils le sachent, ou là qu'ils le sachent pas, d'une façon directe ou indirecte, ils sont manipulés par une force cachée. Par les organisations de la franc-maçonnerie, du Mossad, des Rotary, les Lions, etc., etc. Et d'autres parmi les organisations qui pêchent dans le trouble. وربما تستغل هؤلاء المجرمين هؤلاء الزعماء الذين نصبوا أنفسهم علماء وهم أجهل من حمر أهلهم يقول الشيخ. Il dit ces organisations, peut-être, hein, ils utilisent ces prétendus savants, ces leaders qui prétendent qu'ils sont des savants, hein, alors qu'ils sont plus ignorants que les âmes de leur famille. Et l'expression de Al-Shir, comme ça, il les a désignés. هؤلاء الزعماء نفتوا سمهم سمهم في هؤلاء الأغمار وأعطوهم مفاتيح الجنة كما أعطت أساقفة النصارى وقساوستهم أتباعهم سكوك الغفران تماما بتمام. أولئك الذين يقولون اقتل المسلم فجر في بلاد المسلمين وحتى في غراد بين المسلمين، ها؟ لأنه تفجير في بلاد غير المسلمين، ها؟ هذا من الغدر ومن الخيانة، وهذا حرام في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا ويقولون وهذا هو طريقك إلى الجنة. هذا مثل الذي يقول الشيخ، مثل الذي يعطي النصراني صكا ويقول لا قد غفر لك ذنبك وتدخل الجنة مهما ارتكبت من العظائم. Il dit ces pseudo-leaders, ces leaders qui injectent leur venin dans l'esprit de ces insensés, de ces jeunes qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas de science, et qui leur ont donné les clés du paradis. Comme les curés donnent le pardon dans le confessionnal, ils donnent leur pardon à ceux qui viennent chercher leur pardon. Hein? Il a dit c'est la même chose. Hein? Il a dit, Hadaï lui dit, tue le musulman. Va mettre une bombe par-ci ou par-là. Et aussi, je te tourne attention aussi, va mettre la bombe dans tel métro, ou là dans telle capitale, à Bruxelles ou ailleurs, et tu vas rentrer au paradis. Il est interdit, hein, de venir, de tuer des innocents. Hein? Même si c'est pas un pays de musulmans, il t'est interdit de le faire. Hein? De surcroît. Hein? Toi, tu es là, en tant que Marocain, ou la Tunisien, ou l'Algérien, ou la peu importe ta nationalité. Il y a des conventions avec ton pays. Allah subhanahu wa ta'ala fait obligatoire d'obéir à nos gouverneurs. Et jusqu'à preuve du contraire, ou les Marocains, ou les Algériens, ou la autre, leur gouverneur n'est pas mécréant. Hein? Leur gouverneur n'est pas mécréant. Hein? Et donc, ils ont des conventions avec ces pays. Si tu vas, tu t'exploses, ou là tu exploses quelque chose dans ce pays, tu dénigres la convention de ton gouverneur. Et dans ces cas-là, tu peux rentrer dans ceux qui désobéissent à leur gouverneur. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'obéir à nos gouverneurs dans l'obéissance à Allah azza wa jal. Hein? Et jusqu'à preuve du contraire, les gouverneurs des pays d'Afrique du Nord n'ont pas encore demandé à quelqu'un de sortir de l'islam ou de ne pas prier. Hein? Jusqu'à preuve du contraire, il y a un ministère des affaires islamiques. Il y a l'Adhan. Actuellement, il y a l'organisation d'Al-Hajj. Et quand arrive le mois de Ramadan, il y a des dînes de la communauté, des juges qui sortent, qui surveillent la lune pour déclarer le début du mois de Ramadan, et ainsi de suite. Hein? Et ainsi de suite. Peu importe les choses de perversité, des trucs qui se trouvent. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a, c'est un État islamique qui se déclare en tant que tel. Et toi et moi, nous n'avons pas les moyens d'accomplir là la preuve contre un gouverneur. Ça, c'est aux hommes de science de le faire. Hein? Ils sachent le fait de commencer à parler, parce que les sorties et les révoltes comme ça, ils commencent avec la parole. Alors, le Khawarij, quand ils sortent contre un gouverneur, là, il vient pas du jour au lendemain, il sort. Il faut qu'il y ait des paroles, une préparation de paroles, une haine. Ils injectent devant ceux qui sont devant eux la haine du gouverneur avant qu'ils sortent. Alors, c'est pas possible qu'ils viennent du jour au lendemain et qu'ils deviennent une bombe humaine. Ou là, une bombe à retardement. Là, il faut le nourrir avec des paroles. Il faut alimenter sa haine contre son gouverneur. Et comme ça, autant voulu, il va exploser. Hein? Et sache ce que tu dis sur un gouverneur. Sache ce que tu propages sur un gouverneur, etc. Très dangereux. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala n'ihfadana wa ihfadakum. Et là, Cheikh, il dit, ces prétendus savants, ces prétendus les leaders leur ont promis le paradis. Il y a entre toi et le paradis le fait que tu mets la ceinture d'explosif et tu t'exploses. Ou là tu assassines, ou là hein, tu joues au kamikaze contre un immeuble, etc. أما هؤلاء الأوغاء بل ربما أن ذلك كان أوضح فذلك يدعي أنه يتوب على دينه الباطل أما هذا فزعم أنه يدخل الجنة كأن الجنة ملكه وملك أبيه الشيخ يقول que هذاك le curé qui donne le pardon dans sa fausse religion dans sa religion qui est falsifiée il donne le pardon tout simplement هذا dans le confessionnal et dans la confession mais هذا il prétend lui donner le paradis. Comme si le paradis, il a la clé, il a sa clé, là, il appartient à son père. Il l'a hérité de son père. Subhanallah. Amma haoulaï al-awghad, al-jahilin, al-haqidin, shariqou bima haballahu subhanahu wa ta'ala adil bilad min khayrat, wa amnin wa aman, fa innaha wa lillahi alhamdu wal minnatu ma zalat tan'amu bihada al-amn, ala al-raghmi min ijrami al-mujrimin, wa kaydi al-kaidin, wa kaydi al-haqidin, نسأل الله سبحانه وتعالى نجعل كيدهم في نحورهم. الشيخ يقول سي كريمينيل سي ignorants سي jaloux son cœur sont plein de haine ils sont jaloux des bienfaits avec lesquels الله سبحانه وتعالى a comblé l'Arabie Saoudite la sécurité hein l'aisance dans la vie hein beaucoup de bienfaits. Et malgré tout ça, malgré ce qu'ils font dans ce pays, il y a toujours la sécurité, il y a toujours l'aisance de vie, hein, malgré les crimes qu'ils y commettent. Et malgré les manigances de ces jaloux et de ces ennemis, hein. Il y a le Cheikh Hafidhahullah, wa hada anta tara bi aynayk al'an. Fa ma zalat unduru wa lillahi alhamd wal minna ala al-raghmi mimma hasala kull shay'in yasir ala ma yuram. Tafwij al-mu'tamirin wal hujjaj. والزائرين وإطعام الطعام وتفطير الصائمين وتقديم الخير للمسلمين في الداخل والخارج ما زال قائما وإن شرقت به عقول فاسدة وإن شرقت به قلوب ميتة هذا توزيع الكتب والدعوة إلى الله وكذا وكذا لا زال قائما مهما جرى ومهما يجري الشيخ الندي وقاضي إلى للوج revient الله عز وجل. Et tout le bienfait revient à Allah Azza wa Jal. Et c'est Allah qui doit être remercié pour ce bienfait. Malgré tout ça, tout va comme il se doit. Il n'y a pas de problème. La sécurité, le fait que l'organisation d'Yel Mu'tamir le mois de Ramadan s'organise, le fait de répartir les groupes pour le pèlerinage, ça va. L'organisation est au top niveau. Montre-moi un pays qui peut gérer 3 millions de personnes dans un seul lieu. Et les maîtres chacun, et chacun se retrouve, son groupe et le pays, le continent d'où il est venu. Hein? Tout ça attire la jalousie des ennemis d'Allah. C'est un bienfait, en plus il y a la sécurité, malgré tout ce qu'il faut, il y a la sécurité. Hein? Pendant le mois de Ramadan, combien de repas sont distribués par les bienfaisants, par les hommes qui nourrissent comme ça. Combien tu rentres dans que ce soit la mosquée du prophète ou la mosquée de Mecca, on n'arrête pas de tirer, viens ici, pour manger, etc., pour rompre ton jeûne, etc. Combien de camions dans les rues, pour la distribution de la nourriture, etc. Combien de, aussi, pour la distribution des livres, dit le Coran, en différentes langues. Quel est le pays qui peut le faire? En différentes langues. Langage, subhanallah. On vient d'horizons différents. Et les rapports que nous avons avec les représentants de nos gouverneurs, ce sont des rapports administratifs. On va, on se fait immatriculer, on prolonge nos passeports, on prolonge tout ça, etc. Mais quand on veut un livre de la religion, on cherche un Coran, etc. Vers où on va? Mais en tant qu'association, vers où on se dirige? Directement. Conseil d'Arabie Saoudite. Malgré tout ce qui arrive, le bien est continu. Le bien de ce pays continue, qu'on le veuille ou non. Et on ne dit pas qu'ils sont parfaits. Loin de là. Mais c'est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal. Ce pays, hein, elle a la bénédiction d'Allah Azza wa Jal. Il y a des lacunes. Les hommes de science le disent. Mais en tous les cas, c'est la meilleure des terres sûres. Hein? dans, que ce soit pour la science, pour l'application de la loi d'Allah Azza wa Jal, pour la sécurité, pour la liberté, et vas-y. Même si ceux qui ont des maladies dans le cœur n'aiment pas ces paroles-là, mais c'est la réalité. فَإِذَا جَرَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ إِذَا جَرَتْ هَذِهِ الْإِجْرَامَاتِ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ تجد من التعتيم ومن الإجرام ومن الأخذ بجريمة الآخرين ومن أخذ المحسن بجرية المسيء ومن منع التجول ليلا أو حتى نهارا وما إلى ذلك مما يحصل في كثير من البلاد وهذا ليس هناك. Mais quand il arrive ce genre de crime dans un pays, un autre pays de l'islam, on trouve tout de suite combien d'arrestations, les innocents, etc., combien d'interrogations, etc. Et des fois, ceux qui n'ont rien fait, les innocents, sont les victimes des actes de ceux qui ont fait le mal. Hein? Et on interdit des fois, c'est, comment vous l'appelez, quand on ne faut plus qu'il y ait de réunion, il ne faut plus qu'il y ait de promenade et tout ça. Comment on appelle ça? Le couvre-feu, tu ne te promènes pas, tu n'es pas là, etc. Et ceci n'est jamais arrivé en Arabie Saoudite. Malgré les attentats et malgré tout ça, jamais c'est arrivé. Regarde. Quand ça arrive dans un pays, regarde. Lakin, min fadlillah subhanahu wa ta'ala, an-na'iq yan'iq, wal-mufsid yufsid, wa sayaj'alullahu kaydahu fi nahrih, was-safinatu tasiru bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Fa yaqulu ash-shaykh, fad'u 'ala ha'ula'i al-awghad, wa'tuhum min siham al-layl, fa inna ad-du'a akhir al-layl siham la tukhti. Ud'u 'alayhim, fa innahum dhalama. فإنهم مجرمون فإنهم قتلة فإنهم من أجرم خلق الله. Il dit, avec le bienfait d'Allah Azza wa Jal, hein, les parleurs parlent. Ils parlent. Ceux qui font le mal font le mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, leur manigance va la retourner contre eux. Et, mais le bateau, il continue son chemin. Hein, comme l'expression qui dit, les chiens aboient et la caravane passe sa route. Trace sa route dans le désert. Hein. Et tout ça, par Allah Azza wa Jal. C'est un bienfait min Allah Azza wa Jal. Et il dit, Hafidhahullah, il demande, faites des du'as contre cela, faites des du'as contre cela la nuit. Car le du'a de la nuit, c'est une flèche qui ne rate pas. Il dit, faites des du'as contre eux, parce que c'est des criminels, parce que c'est des injustes, parce que c'est des assassins. Et ce sont les pires criminels. وَإِنَّ ذَهَابَ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا أهون على الله سبحانه وتعالى وإن ذهاب الدنيا بحذافيرها أهون على الله تبارك وتعالى من سفك دم امرئ مسلم وكذلك المعاهد وكذلك المستأمن فلذلك يجب على طلاب العلم أن ينهضوا بمسؤولياتهم وأن يسموا الأشياء بأسمائها الصحيحة وأن يسموهم خوارج ولا كرامة وأن يسموهم ضلالا ولا كرامة وأن يسموهم مبتدعة ولا كرامة وأن يسموهم فسق ولا كرامة وأن يسموهم عصابات مجرمة ولا كرامة هذا إن سلموا من كونهم مسيرين من تنفيذ مخططات الماسونية وغيرها من المنظمات. إيه اللي الشيخ عبد الله تعالى دمجيغ في سبا موند il part avec ce qu'il contient, ça vaut rien pour Allah Azza wa Jal. Mais le fait de faire couler le sang d'un musulman ou de quelqu'un, d'un mu'ahad, quelqu'un qui a, avec lequel les musulmans ont un engagement, ou quelqu'un qui est rentré en sécurité sous la tutelle de, du pays, etc. Adas, c'est tout ce bas monde part en entier, ça vaut rien par rapport à l'assassinat de ces catégories qui nous a cités chers. Et il dit, c'est comme ça, et qu'il est obligatoire. Il dit, partons de là, il est obligatoire aux demandeurs de science qu'ils remplissent leurs devoirs. Et qu'ils appellent les choses par leur nom, et qu'ils leur donnent leur nom véridique. Et le nom qu'ils méritent. Et qu'ils appellent cela des khawarij, des kfiriyin. Hein? Il n'y a aucun mal à ça. Et qu'ils les appellent des égarés, il n'y a aucun mal à ça. Et qu'ils les appellent des innovateurs, il n'y a aucun mal à ça. Et qu'ils les appellent des pervers, il n'y a aucun mal à ça. Et qu'ils les appellent des bondes. criminels, il n'y a aucun mal à ça. Et qu'il les appelle, hein, il n'y a aucun mal. Il leur donne tout, il les appelle comme il se doit, hein. Ada, maintenant, s'ils sont, ils sont pas orientés directement ou indirectement par ces organisations, hein, de la franc-maçonnerie et autres. فإذا علينا أن نتنبه وأن نصحو من سباتنا إن وراء تلك الجرائم ما وراءها من العصابات الفاسدة ممن تغذيهم أساطين الضلال والكفر من الخارج. Faut que nous fassions attention et que nous nous réveillons de notre sommeil, car derrière ces crimes, il y a ces bandes, ces mauvaises bandes qui nourrissent, qui sont nourries par les piliers de l'égarement et de la mécréance de l'extérieur. وطلق ايضا بعض الكلمات المميعه الفاسده من الداخل وربما استنكر البعض ثم يطعن من الخلف او يبرر لهم افعالهم ربما استنكروا والله اعلم باستنكارهم هل هو خوفا او مجامله ويدل لذلك انه ربما استنكر ثم بعد ذلك عرض وحمل المسؤوليه غيره ولا يجرؤ على ان يسميهم خوارج ولا يجرؤ على ان يسميهم ضلال ولا يجرؤ على ان يسميهم مجرمين وهذا لانه يريد ان يحفظ لنفسه خط الرجعه مع ابنائه واخوانه الذين افسدهم باساليبه التي كان ينفتها منذ أكثر من 30 سنة. Et le fait de donner des expressions ambiguës de l'intérieur, c'est-à-dire des termes musulmans, et pour les décrire, on donne des expressions ambiguës qui portent le sens vrai, le sens faux. Et peut-être que même des fois, certains sur certaines antennes, ils blâment. Mais Cheikh dit, ils blâment en apparence. Peut-être que de derrière, ils dénigrent les savants de la communauté. Et peut-être que de derrière, ils leur trouvent des excuses pour leurs actes. Et des fois, ils blâment. Mais sauf Allah, subhanahu wa ta'ala, sait ce qu'ils veulent avec ce blâme. Est-ce qu'ils ont blâmé par peur? Ou là, pour être bien avec le gouverneur? Et il dit, prouve ça. Peut-être qu'une fois qu'ils blâment, après ça, il fait porter la responsabilité à d'autres. Et il n'ose pas les appeler par leur vrai nom, des khawarij. Hein? Il n'ose pas les décrire étant égarés. Il n'ose pas les décrire par l'égarement. Et il n'a pas l'audace de les appeler des criminels. Alors parce qu'il veut préserver le point de retour. Il veut préserver son point de retour vers son groupe, vers ses frères qu'il a nourris avec ses idées pendant plus de 30 ans. يقول الشيخ حفظه الله فعلينا أن نتنبأ لخطورة هذا الأمر فإنه في غاية من الخطورة وأن نسمع النصوص التي أوردها شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى في التحذير من هذه الأعمال الإجرامية. يقول الشيخ nous devons faire attention à ce danger. C'est une situation très dangereuse et que faut que nous écoutions ce texte, ces textes de la parole d'Allah Azza wa Jal, de la sunna de son prophète alayhi salam, que va nous citer notre cheikh, c'est-à-dire son cheikh, Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, Muhaddith Al-Madina, hafidhahullah ta'ala. Ces textes qui avertissent contre ces actes criminels. Wa yaqulu hafidhahullah, al-Cheikh Suhaimi, wa idha ra'aytum man yu'ayyidu hadhihi al-ijramat, لوجدتم أنهم شذاذ الآفاق ممن خرجوا من بلاد المسلمين ولجأوا إلى بلاد الكفر أو ممن بقوا وليست لهم اتجاهات واضحة فهم يوم لك ويوم عليك لا قرار لهم بالأمس ينعقون ويقررون هذه المبادئ التي تؤدي إلى هذا الفكر المنحل والآن لما رأوا ما رأوا من النتائج السيئة بدأوا يظهرون ما يسمى بالوداعة والاستنكار ولكنه استنكار مبطن وخطير جدا. الشيخ de nous dire, si vous voyez ceux qui aident et qui prouvent, qui approuvent ces actes criminels, vous allez trouver que ce sont les marginaux de différents horizons. Regardez ceux qui sont dans la capitale anglaise. Ils sont de différents horizons. Ah, oh là là! Ils sont de différents horizons. Ils ont quitté les pays de l'islam pour se réfugier dans les pays non musulmans, dans les pays de la mécréance. Et ceux qui sont restés à l'intérieur du pays, ils ont des orientations qui ne sont pas claires. Un jour ils sont avec toi, un jour ils sont contre toi. Ils n'ont pas de stabilité. Hier, ils parlent haut et ils inculquent ces principes. Il khawarij et ils poussent avec leurs paroles vers cette pensée de l'égarement. Et aujourd'hui, quand ils ont vu le résultat et le mauvais résultat, ils ont commencé à blâmer, à se montrer blâmant. Non, ça c'est pas bien, etc., etc. Mais Cheikh il dit, ça c'est un blâme qui est couvert et il est très dangereux. يقول الشيخ لماذا؟ لأنهم لم يجرؤوا على وضع الأشياء في موضعها الصحيح وعلى تسمية الأمور بأسمائها الصحيحة فحسبنا الله ونعم الوكيل. Il dit parce qu'ils n'ont pas eu l'audace de mettre les choses à leur place et d'appeler les choses comme ils doivent être appelées, de leur donner le nom qu'ils méritent. Et il dit فحسبنا الله ونعم الوكيل. C'est-à-dire, même en blâmant, ils n'ont pas dit c'est des khawarij, ils n'ont pas dit c'est des criminels. فيقول الشيخ لذلك فإننا لا نريد منهم استنكارا نريد منهم فقط أن تخفت أصواتهم وأن يخسأوا ويتركوا الفرصة لعلماء الأمة يبينون الحق للأمة ويضعون الأمور في نصابها الصحيح نريد أن تسكت أفواههم وتسكت أقلامهم المشبوهة لا نريد منهم خيرا سيد الشيخ نفولون بادو كيل بلام قاعد بلام با Mais nous voulons tout simplement qu'ils se taisent. Qu'ils se taisent, qu'ils reculent, qu'ils laissent l'occasion aux savants de la communauté pour éclairer la communauté. Et pour que les savants de la communauté mettent les choses à leur place. Nous voulons tout simplement qu'ils se taisent, qu'ils ferment leur gueule. Et qu'ils fassent taire leurs crayons et leurs stylos. Leurs crayons qui sont ambigus et qui écrivent que de l'ambigu. C'est tout ce que nous voulons. Nous ne voulons aucun bien de déchir. Habibullah. نريد على الأقل أن تخفت أصواتهم ولسنا بحاجة إلى آرائهم الفاسدة. ربما قالوا كلاما معسولا ثم طعنوا من الخلف بكلمات أخرى لتشويه علماء الأمة والنيل منهم وغمزهم ولمزهم. Nous voulons tout simplement qu'ils se taisent, dit Cheikh. Nous n'avons pas besoin de leur opinion, de leur mauvaise opinion. Peut-être que des fois ils disent des paroles mielleuses. En apparence. Mais derrière, prononce des expressions et des phrases pour dénigrer les savants de la communauté. Pour dénigrer les savants de la communauté. Les dénigre pourquoi? Pour que les jeunes se détournent d'eux. Ya man yaghmizul ulama, yaqulu shaykh. Ya man yaghmizul ulama, inni bari'un. لست منك ولست مني ثم ايضا الشيخ يقول او توا كي دينيغري لي سافون je te désavoue tu ne fais pas partie de moi je te désavoue on n'a aucune alliance ensemble et c'est ce que nous devons faire vis-à-vis de ceux qui dénigrent les savants de la communauté on doit les désavouer ثم ايضا ممن وراء هؤلاء اولئك الذين يعيشون في بلاد الكفر وقد فتحوا لهم ابواقا تنعق من بلاد الكفر وقد تحالفوا مع جميع قوى الشر ضد البقيه الباقيه من الاسلام وكانه لا عدو لهم الا هذه البلاد وعلماؤها et aussi derrière cela ceux qui vivent dans les pays de la mécréance ils ont ouvert des antennes à eux Et ils ont pris l'alliance avec les forces du mal contre l'Arabie Saoudite, contre ce pays de l'islam. Wallahi, ils s'en font le cœur. J'ai entendu un imam dire des choses sur l'Arabie Saoudite. L'ayadan billah. L'ayadan billah. Wallahi, quand tu l'entends parler de ces paroles, il n'y a aucune différence entre eux un non-musulman, dont les paroles qu'il disait. Il a utilisé des termes qui sont pires. Hein? On terminait un cours, et il est venu vers moi, il m'a dit, mais vous ne connaissez que l'Albanais, l'Uthaymiyyin, Ibn Baz, je dis, qu'est-ce que tu veux qu'on connaisse d'autre? Ce sont les grands de la communauté. Il m'a dit, qu'est-ce que vous faites de Abu Qatada et Abdullah Azzam? Wallah, il y a des responsables qui prennent ce genre d'humains devant Allah. J'ai rapporté ça à Cheikh Ubaid et à Cheikh Abdelmalek quand je les ai visités cet été. Wallah, il m'a dit, dis-leur qu'ils craignent Allah, qu'ils préservent la communauté et qu'ils descendent cet homme de Manbar. Subhanallah, Abu Qatada, il a encore le sang des femmes et des enfants d'Algériens qui coulent de ses mains et tu dis, Abu Qatada, subhanallah, ta raison, il est où? Qui a donné la fatwa pour assassiner tout le monde en Algérie, sinon lui? Hein? On va croire que cet esprit n'existe pas. Cet esprit existe. Il faut savoir le déceler, il faut savoir s'en éloigner, il faut savoir le désavouer, il faut savoir s'en préserver. Rentrer dans une citadelle pour s'en préserver. Wallah, il rendait le roi qui est mort, rahmatullah alayhi, ou celui d'avant, il le rendait mécréant. En Arabie Saoudite. Il dit, et voilà, et celui qui met la croix, prouve-le, comme quoi il a mis la croix. Mais Allah, prouve-le. Et il laisse les avions décoller de Dharan. Prouve-le. C'est parce que le Khissira, tu le dis, ou la CNN, ça ira, il décolle. Prouve-le. Ramène une chaîne de transmission, de dîme. Ramène le Khissira, ou la CNN, ou la... Hein? T'as aucune preuve. On sait ce que cherche le Khissira et les autres. Justement, dénigrer ce pays. وهذا السفيه يقول الشيخ وهذا السفيه المسمى بالفقيه وهو ابعد ما يكون عن الفقه الذي قبل بضع سنوات اختلف هو وحليفه المصعري على صفقه تجاريه في افلام الجنس ولقد فضحتهم ولله الحمد والمنه دولتهم التي يعيشون فيها والمحاكم الكافره التي تحاكموا اليها Alors qu'il est loin du fiqh, dit Cheikh Hafidhahullah. Il y a quelques années en arrière, il est tombé en divergence avec le Mas'ari, un de ses potes. Ceux qui ont créé, si vous ne connaissez pas l'histoire, qui ont créé, soi-disant, le comité de la défense des droits, sur le plan de la défense des droits de l'homme en Arabie Saoudite. Hein? Et son allié, Hadha al-Mas'ari, ils se sont disputés pour une affaire commerciale autour des films X. Autour des films X. Et louange à Allah Azza wa Jal que le pays dans lequel ils vivent, il les a divulgués. Et les tribunaux dans lesquels l'affaire était réglée, il les a divulgués. Donc tu parles, venir parler après des droits. Hein? On procède devant des pays non, dans des tribunaux non musulmans pour des films X. Bil Ams, كانوا يتاجرون بأفلام الجنس واليوم يظهرون أنفسهم بأنهم يتباكون على هذه الحقوق في هذه البلاد. أي حقوق يريد هؤلاء السفهاء؟ أي حقوق يريد هؤلاء الأوغاد؟ أي حقوق يدعو إليها من ترك بلاد الإسلام ولجأ إلى بلاد الكفر يلتمس منها العون والنصر ويستمد منها الحقوق التي يعيشها. Hier, il commerçait dans les films de X. Aujourd'hui, il se montre volant et pleurait sur les droits de l'Arabie Saoudite. Les droits de l'homme en Arabie Saoudite. Quel droit il cherche ces insensés des chers? Quel droit cherche ces criminels? Quel droit, vers quel droit ils appellent? Vers quel droit il appelle celui qui a délaissé Blad, qui a laissé Blad l'islam, et il est parti vivre dans un pays non musulman, hein? Et qui est allé chercher de l'aide dans un pays non musulman, et l'alliance dans un pays non musulman. Et qui est allé chercher les droits dans ces pays dans lesquels ils vivent. Quel bien il peut avoir dans sa dawah, hein? وَأَمَّا بَعْدُ لَا يَكَالَّذِينَ يَتَشَدَّقُونَ وأما بعض أولئك الذين يتشدقون فوق في وسائل الإعلام ويقولون إن الحامل لهؤلاء هو قلة الأعمال والبطالة وقلة الوظائف وما إلى ذلك، وهذه دعوة مردودة لعدة أمور. Quant à ceux qui parlent dans les médias et qui disent que la cause de ça, la cause des attentats, etc., leur cause c'est le chômage et le manque de place et de travail. Et Cheikh, il dit, ça c'est une prétention. C'est un dire qui est refuté par plusieurs cas de figure. Le premier, أولاً, لو سلمنا جدلاً أن البطالة قد بلغت ما ادعوا مع أننا أقل الدول التي توجد فيها البطالة. أو ناس ليس لهم أعمال ولا نسميها بطالة لأن المسلم ليس في وقته فراغ. ولكن إذا قورنت بالبلاد الأخرى والله لا تعد شيئاً. إذن هذا كذب من هذا الوجه. Il dit, supposons, gars, Cheikh, il dit, premièrement, supposons que ce qu'ils disent, que le chômage est arrivé à tel point. Il dit, Cheikh, nous ne l'appelons pas chômage. Nous l'appelons des gens qui n'ont pas de fonction, qui n'ont pas de travail, parce qu'il dit, le musulman n'a pas de chômage. Il n'a pas de temps libre. Hein? Il dit, supposons qu'il y ait des gens qui n'ont pas de travail. Si on les compare avec d'autres pays, c'est rien du tout par rapport aux autres pays. Le chômage, ceux qui n'ont pas travaillé en Arabie Saoudite, par rapport à tous les pays qui les entourent, c'est rien du tout. Et il dit, Tanien, ولو سلمنا جدلا بهذا فهل هذا يبرر سفك دماء المسلمين؟ هل هذا يبرر قتل المعاهدين؟ هل هذا يبرر تيتيم الأطفال؟ هل هذا يبرر ترميل النساء؟ هل هذا يبرر أن نستحق أن تستحق لعنة الله يا مسكين؟ ورب العزة يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Supposons gars que c'est ainsi. Est-ce que ça te donne le droit de faire couler le sang des musulmans, de faire couler le sang des mouahadines? Est-ce que ça te donne le droit de rendre des enfants orphelins? Est-ce que ça te donne le droit de faire des femmes des veuves? Est-ce que ça, c'est un acte hein, qui t'encourt la colère d'Allah Azza wa Jal, tu vas le chercher, qui t'encourt la malédiction d'Allah Azza wa Jal, tu vas le faire? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui tue un croyant délibérément, en le faisant exprès, sa récompense est le feu de l'enfer, il y sera éternel. Il a la colère d'Allah Azza wa Jal, il a le maudit, il a un grand châtiment. Nous pouvons dire la même chose. Hein? Soit disant, hein? S'il y a des musulmans parmi eux, hein? Eux dans les cités et dans les banlieues. En France, il y a un petit, ça un petit peu, ça s'est propagé un petit peu partout. Ça a contaminé un petit peu partout, pas mal de pays. On a commencé à brûler, dans les nuits, à brûler quoi? Les voitures, à détruire des magasins, à détruire des dépôts de moquettes, etc., etc. Pourquoi? Avec le malaise. Le malaise de quoi? Du chômage. Parce que tu es en chômage, ça y est, tu tues. Parce que tu es dans le chômage, tu vas détruire le bien d'autrui. Hein? C'est impossible. Qu'est-ce qu'il a le bien d'autrui par rapport à ta situation? Tu es dans le chômage, tu viens à un malaise personnel ou là un malaise psychologique. Qu'est-ce qu'il a autrui? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est de l'injustice. Hein? Et par Allah, que si ces jeunes, s'il y avait des musulmans parmi eux, hein? S'ils étaient éduqués, s'ils ont trouvé des gens qui les éduquent sur la voie d'Allah Azza wa Jal et sur la voie de leur puiser d'Allah Alim, en leur apprenant l'unicité, en leur apprenant, hein, jamais ils oseraient allumer une allumette sur du foin. Encore moins sur une voiture ou là sur une bicyclette. Sur du foin, il ne va pas l'allumer. Pourquoi? Parce qu'il est conditionné par les ordres d'Allah Azza wa Jal. Il va être conditionné par sa soumission à Allah Azza wa Jal. Il va être conditionné par sa soumission à Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'attribuer ce genre d'acte à l'islam et aux musulmans. Parce que l'islam interdit ce genre d'acte, interdit ce genre d'injustice, ce genre de destruction. Il les désavoue complètement. Et nous aussi, nous devons désavouer. C'est pas caresser l'autre dans le sens du poil, loin de là. Notre religion nous impose à être ainsi. Et avoir ce langage clair comme ça. C'est notre religion qui l'impose. On brosse le poil de qui que ce soit. Mais c'est l'obligation. La vérité, c'est la vérité. On est une communauté. Si on est dit soumis à Allah Azza wa Jal, nous devons dire la vérité, même si la vérité nous touche nous directement. Et dire la vérité sur nos pros, sur nos familles, etc. La vérité, c'est la vérité. Il ne peut pas changer. La vérité restera la vérité, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et on ne doit pas se mettre des voiles pour ne pas voir la réalité en face. ويقول الشيخ حفظه الله بل إن الزعماء الذين يسيرون هؤلاء من أكثر الناس أموالا وليس لديهم بطالة بل إن بعض الزعماء الذين ظهروا مع هذه التفجيرات كانوا ولا زالوا من أثر الناس إذن الدعوة أصلا باطلة ويقول الشيخ ثبت العرش ثم نقش ثبت بعد هذاك اللي بدي نقش فيه تلقاه ما قابط فيه يزلق لي يزلق معه تحت على راسه يرزق. Ces leaders qui gèrent ces situations, qui gèrent ces jeunes et qui les orientent, etc., font partie des gens qui ont le plus de fortune. Chez eux, il n'y a pas de chômage, c'est la fortune. Hein? Certains de ces leaders, ils ont une grande fortune. Ces uns qui ont apparu avec ces attentats et le fait de mettre des bombes, ils ont une grande fortune. Ils l'ont encore. Donc, partons de là, ce qu'ils prétendent, le chômage, etc., c'est faux. C'est faux. Et Cheikh, il leur donne une expression. Il dit, d'abord, stabilise le trône avant de le graver, avant de l'embellir, avant de commencer à faire du stuc dessus, de commencer à le graver, etc. Rabi'an. سلمنا بوجود البطالة فهل هذا هو العلاج الصحيح لها وهل عالجتها حتى الدول التي لجأوا إليها ويستعينوا بها ويتبركون بترابها هناك ويتبركون بآراء أهلها هل وجد في بلاد هذا الأمر أم أنه فقط سلطوا على الإسلام والمسلمين عليهم الشيخ سيبوزون قاعك يا بالشوماج إسكو ساسي لغمد إسكو سي لغمد بدو de commettre des attentats, de mettre des bombes, est-ce que ça c'est le remède? Est-ce que les pays dans lesquels ils sont Houma, ils sont allés dans cette voie-là, ils ont pris ce remède-là, fait de brûler, de détruire, etc. Ces pays dans lesquels ils cherchent protection et ils cherchent aide, et les pays desquels ils prennent leur opinion, etc., est-ce que cette situation est similaire à ce qu'ils veulent qu'il soit chez les musulmans, ou alors ceci? Ces attentats et ces orientations des jeunes, ils les braquent direct, tout simplement sur l'islam et sur les musulmans. Mais il est évident, il faut ce genre d'esprit, ce genre d'assassinat, on n'a ni à le braquer vers les pays de l'islam, ni vers les pays de la mécréance. Tuer les innocents ne fait pas partie de notre religion. ثم هناك سؤال يطرح نفسه الصديق والعدو والبعيد والقريب والمسلم والكافر والسني والمبتعد والمبتدع لو سألته عن أي بلاد أفضل يقام فيها شرع الله وتعيش في أمان ويقول الشيخ ونحن لا ندعي الكمال سيقول لك الأعداء والأصدقاء أنها هذه البلاد بفضل الله عز وجل ثم بفضل قيامها وقيام المسؤولين بها بدعوة التوحيد وتحقيق التوحيد وتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. Il dit, Cheikh, il dit, là il y a une question qui se pose. Que pose la question à l'ami, c'est-à-dire à l'ami de l'Arabie Saoudite, ou à l'ennemi de l'Arabie Saoudite, aux proches, aux lointains, aux musulmans, aux non-musulmans, à celui qui est sur la sunna et à l'innovateur, demande-leur qui est le meilleur des pays qui accomplit la législation d'Allah Azza wa Jal, qui est le meilleur du pays dans lequel on vit en sécurité. Tous, ils vont te répondre, c'est l'Arabie Saoudite. Et Cheikh, il dit, nous ne prétendons pas que le pays est parfait et que nous sommes parfaits. Mais, par le bienfait d'Allah Azza wa Jal, par le fait que les responsables du pays et les gouverneurs de ce pays accomplissent la da'wa vers l'unicité et accomplissent l'unicité et jugent avec les lois d'Allah Azza wa Jal, la sécurité est là et les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Tout le monde l'atteste. Des fois, tu entends dans la parole de certains orientalistes, il y a un révélateur. C'est justement cette haine qu'ils ont contre cette sécurité qu'il y a là-bas, ce bienfait qu'il y a. Tu le sens. Hein. Et des fois, dans le regard. فيقول الشيخ فأنت يا مسكين الذي أعطيت هذه البندقية أو هذه القنبلة أو الديناميت أو نحو ذلك هل بعت عقلك؟ هل خسرته؟ هل فقدته؟ عندما تعمل هذا العمل؟ عندما تبيع نفسك وتفجرها وتتحزم بهذا الحزام الناسف ماذا تريد؟ الشيخ يقول toi le pauvre quand on t'a donné ce fusil quand on t'a donné cette bombe quand on t'a donné cette dynamite autre, est-ce que tu as vendu ta raison? Est-ce que tu as vendu ta raison? Est-ce que tu as perdu ta raison quand tu accomplis cet acte? Est-ce que tu t'es vendu en t'explosant quand tu mets une ceinture explosive et tu t'exploses avec, tu deviens poussière? Est-ce que tu t'es vendu? Est-ce que tu as vendu ta raison? يقول لهم الشيخ ذهبت إلى بعض الدول التي وجد فيها بعض هؤلاء الأوغاد الذين غرروا بك هؤلاء خدام إبليس يقول الشيخ غرروا بك فأين عقلك عندما بعته عليهم مقابل أن وعدوك بالجنة فكأن الجنة بأيديهم وسموا الجهاد بغير اسمه فلا حول ولا قوة إلا بالله الشيخ يقول tu es parti dans un pays où tu as trouvé ces monstres et tu t'es fait avoir par leurs paroles. Ces monstres qui sont au service d'Iblis, ils t'ont eu. Où était ta raison quand tu t'es vendu en contrepartie de la promesse du paradis? Comme si le paradis leur appartient. Et ils ont appelé le jihad avec un autre nom. Et ils ont appelé les attentats jihad. Fala hawla wala quwwata illa billah. يقول الشيخ تنبهوا إخواني واسمعوا معي هذه النصوص التي أوردها شيخنا حفظه الله انصتوا إليها جيدا وانصتوا إلى تعليقات الشيخ سمعتم أن قتل البعوض يسأل عنه وقتل الحسن وقتل علي واستحلال دمه أمر عادي وقتل عثمان رضي الله عنهما قبل ذلك أمر عادي عند هؤلاء الشيخ يقول faites attention mes frères. Et écoutez ces textes que va nous citer Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad. Écoutez-les bien. Ouvrez vos oreilles. Et écoutez aussi le commentaire qu'on fait Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad. Il a dit, vous avez entendu tout à l'heure que le fait de tuer une puce, on se pose des questions là-dessus. Mais le fait de tuer Ali, de tuer Hussein, le fils de Ali, Rihanat Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et le fait de rendre licite le sang de Ali, le sang de Hussein, et avant eux le sang de Uthman, c'est une situation normale. C'est une situation normale. وهذا موقفنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. Nous allons terminer إن شاء الله demain. Bien qu'après, bien après العصر et entre le مغرب العشاء. Et après إن شاء الله on écoutera le cours de الشيخ العتيبي autour de الأصول الثلاثة. Et si vous avez des questions, préparez-les qui ont rapport avec le sujet. Comme ça, on puisse les traduire, on puisse les poser à Cheikh, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa barakallahu.